إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc en ce jour, à la veille de l'entrée du mois Mubarak de Ramadan, nous avons voulu faire une rencontre avec nos frères et nos sœurs, ainsi avec les musulmans francophones de façon générale, où qu'ils soient, et principalement en France, en guise de rappel, car le rappel profite aux croyants. Surtout en ces jours compliqués dans lesquels les gens qui sont en France se retrouvent confinés et privés de masajid. Donc il convient, il leur incombe de faire encore plus d'efforts par les moyens qui sont à leur portée pour pouvoir obtenir le rappel. Et aujourd'hui, il ne leur reste que par le biais de Internet et par les cours qu'ils pourraient donner à distance. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème du Siyam. Siyam, qui est le jeûne. Comme a dit Allah Ta'ala, شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Car le mois de Ramadan, c'est celui dans lequel le Coran a été révélé comme guidé pour les gens, éclaircissement de cette guidée, et comme discernement. Donc que celui qui est présent et résident et qui voit, c'est-à-dire la nouvelle lune, alors qu'il jeûne ce mois. Et ce jeûne, comme vous le savez, fait partie des cinq piliers de l'islam. Comme dans le hadith d'Ibn Omar qui est connu, « قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام ولا خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. » Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'islam a été bâti sur cinq piliers qui sont l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Et de la salat, de son accomplissement et de l'acquittement de la zakat et du siyam de Ramadan et du hajj. Naam. Et ce siyam comprend de nombreux mérites, car il n'est pas possible que Allah azawajal nous ordonne une chose sans qu'il s'y trouve un grand mérite, un grand profit personnel ou même social, que l'on se rende compte ou pas. Ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum walutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Que Allah ne veut pas mettre sur vous de gêne, cependant il veut vous purifier et compléter sur vous son bienfait afin que vous soyez reconnaissants. Toute ibadat que l'on trouve dans notre religion, cela n'est qu'un bien pour nous. Allah n'a pas besoin de nous. Cela est à notre profit à nous. Sawan kana ala al-fard aw ala al-wajh al-ijtima'i. Et le siyam tout particulièrement, lui, beaucoup de ses bienfaits ont été éclaircis dans le wahi afin d'amplifier notre motivation. Car malheureusement, beaucoup de gens s'y prennent très mal pour vanter justement et encourager les gens à jeûner. Ils vous disent cela va vous aider à telle et telle vertu médicinale, les médecins ont dit telle et telle chose, cela aide, me cela aide à perdre du poids et à faire ceci, à faire cela. Là, la khata de s'y prendre de la force. Et je me rappelle avoir vu une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, où il expliquait qu'en premier lieu, il ne fallait pas mettre l'accent sur les fawaïdes sanitaires ou diététiques et autres, et mondaines, du jeûne. Mais il faut garder en tête qu'il s'agit tout d'abord d'une adoration, une ibadah. Et qui plus est, comme nous l'avons dit, le siyam de Ramadan, Bihoso aussi, est un pilier de l'islam. Chose qui, à la base, suffit à elle-même amplement pour le serviteur à s'y soumettre et à l'accomplir comme il se doit avec l'irtisab. Avec l'irtisab. C'est quoi l'irtisab? C'est le fait de rechercher la récompense. Le fait de faire l'adoration en guise de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'irtisab. Tu fais une chose, mais tu l'as fait avec l'intention, en cherchant sa récompense, et à plaire à notre Seigneur, Azza wa Jal. Et comme nous l'avons dit, Allah ne nous a légiféré que ce qui est bon pour nous. Ce siyam, ce n'est pas une cure de l'estomac ou des intestins, mais c'est une cure du cœur en premier lieu, et de la foi, qui finira par influer sur tout le reste des membres du corps. Naam. Bien qu'on ne nie pas qu'il y ait des fawa'id, yani sihiyya, naam, elles sont là. Mais ce siyam n'a pas été légiféré pour cela en premier lieu. Mais cela, c'est juste, on va dire, comme une forme de bonus, comme une forme de rétribution, en plus de celle de la récompense pour l'au-delà. Que en plus cela nous profite à notre corps. Naam, ça c'est vrai. On ne commence pas par cela. Et pour nous aider justement à cette irtisab et faciliter l'application de cette ibadah, il est bon de s'en rappeler les bienfaits religieux, les bienfaits diniya et le ajr, le sawab, la récompense et le mérite qui en résulte. Qu'il s'agisse d'un siyam qui est wajib, obligatoire, comme en cette occasion de la venue du mois de Ramadan, ou alors tout siyam de façon générale, minan wafil, surrogatoire, car toute adoration accomplie en irtisab, cela va être conçu comme un fardeau pour le serviteur. Cela peut être d'une lourdeur pour lui. Ça veut dire que c'est comme une dette, il veut s'en débarrasser. Et à cause de cela, il peut être privé de la récompense et il n'en obtiendra que la fatigue. Tiens, il n'a pas fait preuve d'irtisab dans l'adoration. Et cela est valable pour toute adoration, l'irtisab et matloub. Donc d'abord, ce siyam, il faut le comprendre. Quel est-il? Ce siyam, le mot siyam et saum, c'est le masdar du verbe sama yasoumo, qui veut dire jeûner. Ma'khouz min al-madda sad waw wa mim allati tadullu ala misak wa rukud fi makan. Donc cette racine sad waw et mim, cela vient pour indiquer un sens de retenue et de stabilité. بذلك صوم الصائم وهو امساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه. Donc c'est quoi par exemple le saum de celui qui fait le jeûne, saim, c'est qu'il se retienne justement de manger, de boire, de toutes les choses qui amèneraient à annuler son jeûne. Là n'est pas le sujet de rentrer dans ces abwab-là. Le frère Abdullah al-Hadi, Hafidhahu ta'ala, lui va aborder ce sujet en détail. ويكون الامساك عن الكلام صوما. Et le fait de se priver de parler, de la parole, c'est aussi, ça s'appelle un saum. Comme dans le sharia des ummah mutaqaddima, chez les autres d'avant nous. Comme a parlé ta'ala, li Maryam, fakuli wa shrabi wa qari aina, fa imma taraini min al basharin ahada, fakuli inni nazartu li rahman al sawma, falanu kalima al yum insiya. Il a dit quoi dans le sens Allah? Il a dit à Maryam, après qu'elle ait accouché de Isa, seule, sous le palmier, bois et mange et réjouis-toi. Et si jamais tu vois une quiconque parmi les hommes, dis, je ne parlerai à personne, car j'ai fait le vœu de faire un jeûne. Et son jeûne, c'est le fait de ne pas parler. Pourquoi? Car au début, Allah dit bien, bois et mange. Donc son saum à elle, à ce moment-là, dans leur shaliha, c'était le fait de ne pas parler. Et aussi, le fait de jeûner, le saum, on va dire plutôt en arabe, wasabat ala tamasuk amma min shan ash-shay aw yatasarrafu fi. C'est le fait de se retenir de toute chose qui est propre à, on va dire, l'activité d'une chose. Mathalen, les ulama expliquent le soleil, la shams, il y a 100 mitah, il y a 100 mitah, lorsqu'il est au zénith. Car ni il ne monte, ni il ne descend. Il est privé de toute activité. Donc on appelle ça sa'im. La shams sa'ima. Sa'mati shams. Kazalik, le cheval. Lorsque le cheval n'est pas scellé et qu'il n'est pas monté, on l'appelle sa'im. Car c'est quoi son activité au cheval à la base? C'est d'être enfourché justement, d'être scellé et d'avoir quelqu'un qui le chevauche, un cavalier. Donc lorsqu'il n'a pas tout ça, on l'appelle sa'im. Donc l'être humain, parmi ses particularités, c'est qu'il mange et qu'il boit et qu'il a des rapports et autres. Donc lorsqu'il est sa'im, ces choses-là, il s'en retient. Wastilahan, dans la législation, la définition religieuse, c'est al-imsak an al-aql wa shurb wa jima wa sa'ir al-muftirat yawman kamila bi niyyat as-siyam min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Donc il s'agit de se retenir des nourritures et des boissons et des rapports, c'est-à-dire les rapports sexuels, et toute autre chose qui pourrait annuler le jeûne, ce qu'on appelle le muftirat, annulatif du jeûne. Et cela avec la niya, il faut avoir l'intention de le faire. Et, cette niya doit avoir lieu avant le fajr. C'est au fajr sadiq, au fajr véridique, c'est là qu'on se retient, qu'on arrête de manger, de boire et tout, jusqu'au maghrib, au coucher du soleil. Mais dans la nuit, alhamdoulilah, toutes les choses habituelles sont permises. Fahadahu. Wa ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit à propos du siyam, هو الإجابة المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. Donc Ibn Qayyim il a dit par rapport au siyam, c'est quoi? Ce sont les rênes, c'est-à-dire comme les rênes que l'on tient d'un animal que l'on monte des pieux, et également la protection des guerriers. Et aussi, le jardin des pieux et de ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le siyam se distingue par rapport aux autres œuvres, qu'il est propre à Allah, car le jeûneur ne fait rien, en fait. Il ne fait rien. C'est pas un acte que l'on fait en plus, mais en fait, c'est une privation. Il se prive de quoi? De ses désirs, de ses envies, de sa nourriture, de sa boisson, pour son Seigneur. فَوَتَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّذَاتِهَا وَإِثَارًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَوَسِيرٌ بَيْنَ الْعَبْدُ وَرَبِّهِ لَيَتَّلِعُ عَلَيْهِ سَوَاهُ. Donc en fait, il délaisse les choses qu'il aime, que l'âme aime, les choses qui lui sont, yani ses délices, et cela pour faire prédominer son amour pour Allah, et l'obtention de son agrément. Il est un secret entre le serviteur et son Seigneur, car personne ne sait que le serviteur jeûne, à part Allah. Hormis pendant Ramadan, bien sûr. On sait que le musulman jeûne. Mais en dehors de cela, lorsque le musulman jeûne, personne ne le voit. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dalil d'Ibn Qayyim dans cette parole, c'est le hadith d'Abu Huraira, muttafaqun alayhi, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kullu amali Ibn Adam yudha'af al-hasana bi'ashir amsaliha ila 700 dhi'fin. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que toutes les œuvres sont multipliées. La hasana devient est décuplée en 10 ou même en 700. Et Allah il a dit illa as-sawm fa innahu li wa anna ujzi bihi yada shahawatihi wa ta'amahu min ajli lis-sa'im farhatan farhatun 'inda fatrihi وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Donc il a dit par rapport à cela, sauf le jeûne. Le jeûne fait exception à cette règle-là. Car en fait, Allah Azza wa Jalla dit qu'il lui-même le rétribue comme lui le veut. Pourquoi? Car son serviteur délaisse ses envies, sa nourriture pour moi. Allah il dit pour moi, il fait cela pour moi. Et le jeûneur a deux réjouissances. L'une lorsqu'il rompt son jeûne, et l'autre lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Et il dit que la laine du jeûneur, car la laine du jeûneur peut paraître comme étant désagréable, est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur du musc, du parfum. Donc là, on aimerait se rappeler ensemble des fada'il, de ce siyam, de ses vertus. Selon l'ordre, on commence d'abord par ce qui est obligatoire, qui est le jeûne de Ramadan, car lui c'est un pilier. Et l'obligation passe avant le mustahab, bien évidemment. Donc ce siyam de Ramadan, son but est de nous permettre de nous rapprocher d'Allah et de le craindre. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le siyam, le jeûne, vous a été prescrit comme il était prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? Afin que vous craigniez. Afin que vous craigniez. Le but principal, at-taqwa. L'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il dit à propos de ce verset, bisawm, l'inasawm, wasilatun ila at-taqwa, lima fihi min kahr al-nafs, wa kasr al-shahawat. Donc le sawm est un moyen qui mène vers la taqwa, car il fait dominer, le serviteur domine son âme, et il casse ses envies. Il casse ses envies. Donc cela augmente sa taqwa. La crainte d'Allah, la taqwa, c'est ça qu'on parle par là, est une chose qui est obligatoire. Combien sont les versets qui nous appellent à cette taqwa? Car elle est un élément impératif pour adorer Allah, Azza wa Jal, et obtenir sa récompense. D'où le fait que ce siyam fut prescrit à toutes les communautés, comme on l'a vous dit. Le siyam est parmi les actes des croyants depuis toujours. Donc voyez par quoi Allah commence ensuite dans le siyam, contrairement à ces gens, justement, qui ne recherchent que les propriétés au niveau de la diète et de la santé ou autre. Non, par la taqwa, en premier. « Wa an Abi Umama, Soddi ibn Ajlan, al-Bahili, radiyallahu anhu, قال, Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yakhtub fi hajjat al-wada'. » Donc il dit ce sahabi, qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire le sermon lors du hajj d'adieu. « Faqala ittaqullah wa sallu khamsakum » وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا امراءكم تدخلوا جنة ربكم. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux gens? L'un des plus grands rassemblements qu'il y a eu, il a dit craignez Allah en premier lieu et faites vos 5 salawat et jeûnez votre mois, ala wa shahid. Jeûnez votre mois et donnez votre zakat et obéissez à vos gouverneurs, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Apporté par Tirmizi. Donc ce somme et parmi les choses qui amènent à entrer au Jannah. Qui veut le Jannah doit passer par cela. Tant qu'il est en mesure de le faire. Car des gens sont excusés. Ils ne peuvent jeûner. C'est certain. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, notre kalam, il est général, il est âme. Et Allah, Azza wa Jal, bifadlihi wa rahmatihi ala ibadihi, par sa grande, son immense grâce, il nous a facilité ce siyam de Ramadan, justement. En minimisant les choses qui amènent aux tentations. Fi adashar mubarak. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilat ash-shayatin, muttafaqun alayhi. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ramadan vient, les portes du paradis sont ouvertes et les portes du feu sont fermées et les shayatin sont enchaînées. Quels shayatin? Des grands, pas tous, les grands, les afarit, ceux qui sèment la discorde sur terre et qui incitent les gens à se faire du mal. Le pardon d'Allah a été promis aux croyants qui accomplissent ce jeûne, mais avec l'irtisab. Toujours selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man sawma Ramadan imanan wa irtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Celui qui jeûne Ramadan par foi et par irtisem. On expliquait c'est quoi l'irtisem. Donc chercher la récompense. Il ne saura pas donner ses péchés antérieurs. Mais il s'agit là des petits péchés, bien sûr, pas des grands, car les grands veulent une tauba. Donc, il est expliqué iman ou irtisaban et musaddiqan wa muhtasiban thawabahu indallah ta'ala. C'est-à-dire qu'il a la croyance que cela est véridique et il veut la récompense d'Allah, azza wa jal. Donc on voit comme l'irtisab est une condition pour l'obtention de cette récompense. Car malheureusement, beaucoup de gens jeûnent pour différentes raisons. Par coutume, par celui de leurs proches, par celui de la masse, par honte, car tout le monde autour d'eux jeûne. Donc ils disent, si jamais je ne jeûne pas, c'est la honte pour moi. Ils n'ont pas l'irtisab, ils ne voient pas la chose telle qu'elle est réellement. Et beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et voire même à tel point que celui qui n'arrive pas à obtenir la récompense de siyam de Ramadan, il est fortement blâmé. De Jabir, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Et lorsqu'il est monté sur la première marche, il a dit Amin. Après, il est monté sur la deuxième marche, il a dit Amin. Puis, sur la troisième, il a dit Amin. Les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, sami'naka, taqul Amin salasa marrat. Nous t'avons entendu dire Amin trois fois. Qala, lama raqitu, à darajat al-oula, ja'ani Jibril, sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, shaqi abdun adraka ramadan, fansalakha minhu, wa lam yughfar lahu. Faqultu Amin. Il a dit que Jibril est venu me voir. Lorsque je suis monté sur la première marche. Et il a dit, que le malheur soit sur un serviteur qui a passé Ramadan complètement et qui n'a pas obtenu le pardon. Donc j'ai dit Amin, un doa contre celui qui a fait Ramadan et qui malgré cela n'a pas fait les causes pour être pardonné. Après il a dit Shaqi abdun adraka walidayhi aw ahadihima aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu Amin. Il a dit que le malheur soit sur un serviteur qui a eu ses parents encore, c'est-à-dire en grand âge, et qui ne l'ont pas fait entrer au paradis, ou l'un des deux, c'est-à-dire par la bienfaisance envers eux. Donc j'ai dit Amin. ثُمَّ قَالَ شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ Amin. Il a dit que soit, ou plutôt, Abdun, ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ Amin. Il a dit que le malheur c'est sur un serviteur qui entend ton nom, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne fait pas la salat sur toi. Le dua, de dire le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit Amin. Et le hadith rapporté par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. On peut également, de façon parallèle, y ajouter même le siyam qui se rattache à ce mois, même s'il n'en fait pas partie directement. Comme les fameux séjours de Shawwal, comme vous le savez. Dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man sama Ramadan, thumma adba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Celui qui fait le siyam de Ramadan, donc première condition, avoir jeûné Ramadan complètement. Puis le fait suivre par six jours du mois de Shawwal, n'importe quel jour, donc Shawwal 6. Faut en faire 6, que ce soit d'affilée ou que ce soit de façon interrompue. C'est comme s'il avait jeûné le temps complet. Comme s'il avait été jeûneur un temps continu et complet. Et cela en guise d'encouragement, car le serviteur est sur la lancée. Après qu'il fait Ramadan, le siyam le plus facile. Donc pour que sa récompense soit encore plus complète et plus grande, alors il rajoute de lui-même 6 jours de Shawwal et la récompense qui est immense. Non. Ça c'est concernant les vertus dont on se rappelle par rapport à Ramadan, ce jeûne de Ramadan, plutôt. Pas le mois de Ramadan en lui-même, mais le jeûne de Ramadan. Ensuite, concernant les fada'il du siyam de façon générale, que ce soit Ramadan ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wasafa ahl al-jannah bi awsafin mu'ayyana. Il a décrit les gens du jannah avec des qualificatifs particuliers dans ce bas monde. Qal التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Il a dit, ceux qui se repentent, ceux qui sont dévots, adorateurs, ceux qui sont des loueurs, qui font la louange, السائحون, et ça le shahid, ceux qui jeûnent, comme on va l'expliquer, ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent le convenable et ceux qui interdisent le blâmable et ceux qui préservent les limites d'Allah. Fais la bonne annonce aux croyants. Fais la bonne annonce aux croyants. Donc là, c'est al-sa'ihun, il a bien dit. À la base de siyaha, c'est le fait de voyager sur terre. Mais là, ça a été interprété d'une autre façon par certains sahaba comme Ibn Abbas et autres. Radiallahu anhum, ils ont dit Sa'ihun as-sa'imun, jeûneur. Wa qala Ibn Kathir, wa min afdal al-a'mal as-siyam wa huwa tark al-mallaz min at-ta'am wash-sharab wal-jima'. Wa al-murad bi-siyaha ha huna. Donc il a dit Ibn Kathir que le jeûne est parmi les meilleures des œuvres, car c'est le fait de délaisser les délices comme la nourriture, les boissons et les rapports sexuels. Et c'est ça qui est voulu par Siyaha ici, Sa'ihun, c'est le jeûne. وَلِيَاذَا قَالَ السَّائِحُونَ كَمَا وَصَفَ أَزْوَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَمْ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى سَائِحَاتِ. Dans un verset dans surat Al-Ahzab, Allah il a bien dit à propos des femmes du prophète صَلَّى اللَّهُ سَلَمْ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَبَكَارًا. Que si là, Allah Azzawajal met en garde ses femmes pour qu'elles se comportent bien avec lui, car il a dit, si jamais vous le divorcez, alors Allah vous remplacera par des femmes meilleures que vous, muslimates, croyantes, obéissantes, repentantes, et dévots et jeûneuses. Sa'ihat, là, c'est jeûneuse. Qu'elles soient des femmes divorcées ou alors des femmes non divorcées, vierges, sans mariage précédent. Donc là, Allah Azza wa Jal a bien écrit qui sont les Sa'ihoun, ce sont les Sa'imoun. Et ils sont parmi les sifats des croyants. Parmi les meilleurs des croyants. An Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, illa ba'ad Allahu bizalika al-yawm wajjahu an-nar. Sab'in khalifa. Muttafaqun alayhi. Que personne ne jeûne. Il n'y a pas un serviteur qui ne jeûne un jour sur le sentier d'Allah sans que Allah n'éloigne son visage du feu d'une distance de 70 printemps, c'est-à-dire 70 ans. C'est-à-dire c'est loin. Et là, cela est valable pour qui? Pour le croyant, bien évidemment, qui a l'irtisab. Le kafir ne peut jeûner toute sa vie, c'est pas pris en compte. Et celui qui jeûne son irtisab, c'est pas pris en compte également. Parle du jeûne qui est surrogatoire. C'est pas pris en compte. Donc cela, c'est obligatoire de savoir cela. Donc c'est ahadith. Ces mérites que l'on cite maintenant, là, c'est pour nous encourager, nous aider. Que la chose nous soit rendue plus agréable et plus motivante. Et les savants, ils ont divergé par rapport à sabilillah ici dans ce hadith. Le sens du sortie d'Allah. Car cela, là-bas, c'est que c'est le djihad. Celui qui jeûne pendant le djihad. Mais certains dirent que cela peut également concerner le djihad. Tout ce qui est mustahab recommandé, fait par le serviteur par lui-même. Car cela est également fisabilillah. Cet acte est fisabilillah. Et lorsque Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des actes qui le feront rentrer au paradis et les le nom du feu. Maza qala? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, laqad sa'alta an azim, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Il lui a dit, tu as interrogé à propos d'une chose qui est immense, mais elle peut être facile pour celui à qui Allah l'aura rendu facile. Il a dit, ta'budu Allah, la tushriku bi shay'a, wa tuqimu as-salah, wa tu'tiya az-zakah, wa tasum ramadan, wa tahujj al-bayt. Thumma qala, ala adulluka ala bab al-khayr? Qala asum junnah. Asum junnah. Donc il lui a dit quoi en premier lieu? Pour que Mu'az sache qu'est-ce qui va le faire entrer au paradis et l'éloigner du feu. Il a cité les cinq piliers. Tu adores Allah et tu n'associes rien. Ça revient aux deux shahadat. Tu accomplis la salat. Tu t'acquittes de la zakat et tu jeûnes Ramadan. Et tu fais le hajj. Après, il lui a dit, ne vais-je pas t'indiquer quelles sont les portes du bien? Là, il parle maintenant d'actes surrogatoires. Il a dit quoi? As-sawm junnah. Que le sawm est une protection. Et que la sadaqa, l'aumône, éteint, du moins efface la mauvaise action, tout comme l'eau éteint le feu. Et la salat de l'homme dans le cœur de la nuit, c'est-à-dire qu'il y a le layl. Donc là, il lui indiquait des choses également pour l'aider à rentrer au Jannah, et en premier, c'était le siyam. Ensuite, la sadaqa. Et ensuite, qu'il y a le layl. Naam. Et cela, que le jeûne est une protection, fut cité dans différents hadiths. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a cité un hadith d'Abu Hurayra dans son explication de ce hadith, rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel dit « As-siyam junnah wa hisn asinun min an-nar » que le jeûne est une protection, une forteresse, comme si on disait une forteresse, on va dire blindée, hein, qui protège du feu. As-siyam apporte cela, une protection du feu. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, hafidhahu ta'ala, il a dit à propos de ce hadith que as-sawm junnah, le sawm de protection, là c'est sawm tatawwu, le sawm qui est surrogatoire. Car avant cela dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité des choses qui étaient obligatoires, bel zakara al-arkan, awjab al-wajibat. Donc il dit à Al-Abbad, as-sawm junnah, al-junnah hiya al-wiqaya allati yuttaqa biha ma yuhzaru wa yakhaf. ولهذا يقال للترس الذي يتقى به السهم جنة. Donc il a dit quoi? Le junna, c'est une protection par laquelle on se réfugie d'une chose que l'on craint qui nous nuise. C'est pour cela qu'on a appelé le bouclier junna, car on se protège du bouclier, des flèches ou même des coups d'épée ou des lances et autres. Et il a dit asawm junna fi dunya min al ma'asi wa fi al akhirah min an-nar. Donc ce saum en ce bas monde est une protection contre les péchés, les obéissances. Et dans l'au-delà, il serait une protection contre le feu. Naam, hada siyam yahfaz min ash-shahawat, il protège des désirs ardents et forts qui peuvent nous nuire. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi aux jeunes? Ya ma'shal al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghza lil-basar wa ahsan lil-faraj. ولم لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut, qui a des moyens, c'est-à-dire financiers et également physiques, de se marier, qu'il le fasse. Car cela préserve le regard et cela protège également les parties intimes, c'est-à-dire évite de faire tomber dans le haram. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a incité à quoi? De se marier en étant jeune. De ne pas attendre pour qui peut le faire. Et après, il a dit, maintenant, celui qui ne peut pas, c'est-à-dire qui veut se marier, mais qui n'a pas les moyens de se marier, alors qu'il jeûne. Car ce jeûne sera une chose qui va le préserver, justement, de tomber dans les muharramat. Cela va amoindrir de ses envies, et de ses pulsions sexuelles. Donc, regardez l'avantage que cela peut avoir pour l'ensemble des gens. Ce n'est pas seulement que pour le rab dans lui-même, mais pour tout le monde. Car le fait de jeûner permet d'amoindrir le taux de fornication, de zina. Donc moins de turpitude. D'où son appellation junna, protection. Et également, ce jeûne aide à amoindrir les mauvais échanges verbaux, les insultes, les mauvaises paroles, voire même, cela protège des échanges de coups, des bagarres et autres. Car il est du comportement du jeûneur d'éviter toute forme de conflit. Comme a dit dans le hadith d'Abi Hurayra, radiallahu anhu, que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يدخل وإن صابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم متفق عليه. Que l'un d'entre vous s'y a mis le jeûne, le jour où il jeûne, alors qu'il n'est pas de parole vaine et inutile, et qu'il ne crie pas, qu'il ne fait pas sa voix, et que si quelqu'un venait à l'insulter, à vouloir le combattre, alors qu'il dise comme réponse, je jeûne. Pourquoi? Là on parle avec un musulman. Car demain, quelqu'un s'en prend à toi. Il t'insulte. Il te provoque. Et autre, tu lui dis, je jeûne. C'est-à-dire, stahi mink. Il va être gêné de toi. Il va dire, subhanallah, je suis en train de moi de l'agresser, et lui, il est en adoration. Si c'est quelqu'un qui a de la foi, il va s'arrêter tout de suite. Et cela va mettre un terme à votre conflit. Biznillah ta'ala. Donc, toi, ne réponds pas. Bien qu'on sait que des fois, dans le jeûne, avec la fatigue, on s'énerve vite. On s'emporte vite, c'est vrai. Donc là, ça rappelle de ce hadith-là, c'est une affaire de la azim. Quelqu'un s'en prend à toi, tu dis, inni sa'im. L'affaire, elle est réglée, normalement. Normalement. Toi, ça te rappelle que tu es en jeûne, donc tu n'as pas à réagir, et lui, ça va le freiner automatiquement. Et ça va être un rappel pour lui. D'accord? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Nabi Hurayra, man lam yadar qawla zour wal amal abih, falaysa lilay hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Il l'a dit, le Nabi sallam, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères ou les paroles du faux ou les actes mauvais, c'est-à-dire liés à ces paroles mensongères ou autres, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire que ton jeûne ne te sert à rien à ce moment-là. Au point d'Allah, il n'a pas de valeur. On ne dit pas que tu ne jeûnes pas, si jamais c'est un jeûne qui est wajib. Mais il perd sa valeur. Pourquoi? Car tu n'as pas le comportement qui va avec. Il n'y a pas l'adab qui va avec. Le jeûne, ce n'est pas seulement, comme on l'expliquait, se retenir de ces choses-là, mais il y a un adab qui va avec. Parmi les fawaïd, justement, de ce siyam, kazalik, cela permet de se lever plus tôt. Car on se lève pourquoi? Pour le sahur, pour manger. Donc cela te permet d'arriver au masjid plus tôt, faire le takbir avec l'imam, et voire même d'avoir le premier rang. Car des jours, tu ne jeûnes pas. Des fois, tu as du kassel, ou tu te lèves, tu es en retard. Et avec le siyam, tu t'es levé tôt, pour avoir ton sahur. Non. Et le sa'imun, quand fadalahumullahu ala ghayrihim, bibabin khasm lahum fil jannah. Ils ont une porte qui leur a été exclusivement réservée au paradis. Rien que pour eux. Comme dans le hadith de Sa'd ibn Sa'd, radiallahu anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayan, yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. يقالوا أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le Jannah, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayan. Et c'est une porte par laquelle rentreront les jeûneurs. Personne en dehors d'eux ne rentrera par cette porte. Il sera dit, où sont les gens qui jeûnaient? Et là, on parle du jeûne qui est non obligatoire. Car le Ramadan, on doit le faire à la base. Là, on parle des jeûneurs qui font un jeûne qui n'est pas obligatoire. Donc, ils se lèveront, ils viendront, et personne ne pourra rentrer par cette porte à part eux. Et lorsqu'ils seront rentrés, cette porte sera fermée et personne ne rentrera derrière eux. Allahu Akbar. Et le jeûne, si obligatoire, il n'y a plus d'occasion. Il n'y a plus d'occasion de le faire. Comme 3 jours par mois. Et les meilleurs sont les jours de pleine lune. Mais en dehors de cela, tu peux jeûner 3 mois. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se concentrait pas sur ces 3 jours de pleine lune. Juste, il a dit, sur les meilleurs, mais lui pouvait jeûner en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Tu es le lundi et le jeudi. On a le siyam de Daoud qui est le meilleur, mais qui est le plus dur aussi, c'est 1 jour sur 2. Et on a le jour de Ashura, et on a le jour de Arafat, et on a les jeûnes du mois de Muharram, et on a également le siyam de Sha'ban. Plein d'occasions à notre portée, pour celui qui veut aller de l'avant. Et parmi les vertus du siyam qui profitent à autrui également, les ulama, yaqulun, ils évoquent que cela aboutit justement à plus de compassion pour ressentir ce que peuvent ressentir justement les gens affamés qui n'ont pas d'argent. Car maintenant, la faim, tu la connais. Tu sais ce que veut dire avoir faim. Même si tu es quelqu'un de riche qui n'a jamais connu cela, pendant ce mois-là, tu connaîtras la faim. Qu'est-ce que veut dire avoir faim? Également, que veut dire avoir soif? Et également, cela va amener au tawadu, à la modestie devant les plus démunis, de compatir avec eux, de savoir que ressentent ces gens-là, en fait, en réalité. Et cela, également les malades, les gens qui ne peuvent pas manger certaines nourritures, en sont privés, qui doivent manger très peu. On compatit maintenant, on se dit, subhanallah, maintenant je sais, qu'est-ce que ressent un tel ou un tel ou un tel. Également, cela permet de mieux ressentir les ni'am d'Allah, les bienfaits d'Allah, subhanallah, sur nous, de pouvoir le remercier. Car, c'est bien fait. On ne peut s'en rendre compte qu'à quel moment, lorsqu'on en est privé. Donc maintenant, tu as soif, tu ne peux même pas boire un verre d'eau. Tu sauras c'est quoi la valeur d'un verre d'eau. D'un verre d'eau fraîche. Tu sauras c'est quoi la valeur d'une date. Tu sauras c'est quoi la valeur d'un plat. Même si ce n'est pas le meilleur. Quand tu as faim, première chose qu'on te donne, tu vas la manger. Voilà, je me rappelle, mon premier Ramadan, après ma conversion, avant l'islam, je n'aimais pas les dates. J'étais dans un masjid, on a fait l'iftar là-bas, on m'a rapporté un verre de l'ébène. Je ne buvais pas de l'ébène également avant l'islam. On m'a apporté des dates. Je les ai mangées, Oksim Billah. C'est parmi les meilleurs repas que j'ai eu de ma vie. Que je n'ai jamais oublié. Des dates et un verre de l'ébène. Même après la Ramadan, j'en mangeais. C'est rentré dans mon cœur automatiquement. Ça m'a paru comme meilleur que les plats que je mangeais auparavant. Parmi les plus grands mets et les plus grands plats que j'aurais pu avoir l'occasion d'avoir goûté. Wallah! Les choses les plus simples deviennent comme étant les choses les plus importantes. Quand on est déprivé, on les retrouve, donc on les aime automatiquement. Cela également nous entraîne au sabr, à la patience, et à casser et à dominer notre nefs. Chose qui nous différencie de l'animal. Car l'animal, lui, jamais va se retenir. Quand il a faim, il mange. Et après, il se retient. Il mange, l'animal. Certains animaux, comme les moutons, par exemple, mangeraient en mourir. Ils ne s'arrêtent pas. D'autres animaux mangent quand ils ont faim. Mais s'il a faim, il ne peut pas se priver. Nous, les musulmans, les croyants, on s'en prive. Car le kafir, lui-même, mange sans retenue. S'il a plus faim, il arrête. Mais tu lui dis ne mange pas comme ça, il n'arrêtera pas de manger. Qui jeûne, c'est pas possible. À part certains dans leur religion, comme les Yahoud et les Nansara, ou des gens qui jeûneraient pour, en guise de remède. Sans quoi le kafir ne jeûne pas. Il n'a pas de retenue, le kafir. Par le ta'ala, « وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ » Et que ceux qui ont mécru ne font que prendre du plaisir dans ce qu'ils font, et ils mangent comme mangent les animaux, et le feu sera leur refuge. Le kafir, il mange dans cet intestin. Cet intestin, le kafir, il mange énormément. « An Omar, An ibn Omar, radir anhu, qala, sabitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yakul, al-mu'minoun, al-mu'min, yakulu fi mi'a wahid, wal-kafir, yakulu fi sabati am'an. » Allahu Akbar, il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant mange dans un seul intestin, alors que le kafir, il mange dans sept intestins. Car un homme avait ramené un invité auprès d'Ibn Omar, car Ibn Omar ne mangeait jamais seul. Toujours il faisait en sorte qu'un pauvre vienne manger avec lui. Et là, un homme lui a ramené un kafir. Et le kafir, il a mangé énormément. Il lui a dit, ne ramène plus des gens comme ça. Et là, il a donné le hadith. Les koufars, ils mangent, tu lui mets un plat, ils ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, regarde, les choses que l'on mange, même en islam, on se dit, j'ai mangé beaucoup. Ça arrive, des fois on mange beaucoup. Et bien, un kafir, il mange plus que ça encore. Plus que ça. Des fois, on a un petit plat, on est nombre de fait avec la baraka, on mange, on est rassasié. Une chose qu'auparavant, on aurait mangé, ça ne nous aurait pas suffi. Ça n'aurait pas suffi. Aujourd'hui, tu le manges, alhamdoulilah, t'es rassasié. Le kafir, il va dire, zidli, j'en veux encore. J'en veux encore. Il faut même des concours de celui qui mange le plus. Celui qui mange le plus, subhanallah. Vous voyez l'état d'esprit. Donc le musulman, il est plus noble que cela. Et il sait jeûner, se priver. Et le jeûneur également, au moment où il jeûne, il est en adoration constante, sans que personne ne le sache. D'accord ? À part son Seigneur. Par rapport au siyam. Non. Donc on demande à Allah Azzawajal de nous faciliter le qiyam et le siyam dans ce moment mubarak, qu'il nous fasse une occasion que nous puissions effacer de nos péchés et nous rapprocher de lui et de faire montrer notre foi. Non. Donc c'est ce qu'on a voulu se rappeler aujourd'hui. Espérons que cela aura été bénéfique pour nous comme pour vous. Et le plus important, c'est d'œuvrer. Le plus important, c'est d'œuvrer avec l'artisan. Fabien al-Hadal Kodun Aktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.